la casse-bas, ce fut dur. J'ai le cœur qui bat dans cette voiture. Elle nous amène au port et c'est un flanc en or qui nous sort du mauvais sort. Laisse-moi prendre mon essor. Je vais griffonner sur ce bout de papier les bonnes aventures qui m'attendent dans des sentiers. On dit que la traversée est quelque peu risquée, mais de l'autre côté je prendrai enfin mon pied. Ouais. Je l'ai trouvé salé dans le canot. On était nombreux et serrés. Des idées, ces nombres et sans ces effets de côté. C'est ainsi qu'avec mes frères on a quitté Tanger. Gibraltar, passé les pas sans frais, cinq équipiers périr dans la marée. À bras le corps, il faudra remonter les routes espagnoles en pouce ou bien cachées. En pouce ou bien cachées. Salam alaikum à terre, si vous me lisez j'embrasse ma mère. Je rejoins un pays qui prospère, je reviendrai au bled pour sortir de la misère. Sa pose et je suis tout en kilos. Et avec Farid on se barre sans se montrer et on piote à côté dans un bosquet. Oh, on est loin du bled, les paysages sont plus les mêmes. Les visages sont blêmes, parlés plein de problèmes. Je m'acclimate mal et j'ai le mal du pays. D'ailleurs, que pense-t-il de moi et mes caprices? D'ailleurs, que pense-t-il de moi et mes caprices? D'ailleurs, que pense-t-il de moi et mes caprices? D'ailleurs, que pense-t-il de mes caprices? Que pense-t-il de mes caprices? Objectif, Paris la belle. On s'est fait un Paris rebelle. Rejoindre la citadelle pour un avenir qui semble plus si fidèle. Qui semble plus si fidèle. Salam alaikum à terre. Si vous me lisez, j'embrasse ma mère. Je rejoins un pays qui prospère. Je reviendrai au bled pour sortir de la misère. Exclu ici, ailleurs, je serais pas mieux accueilli. Oh, je reste et je prie pour gagner un peu ma vie. Je jetterai ce message dans une bouteille. La jetterai sans présage dans la Seine aux Invalides. Où ça? Dans la Seine aux Invalides. Salam alaikum à terre. Si vous me lisez, j'embrasse ma mère. Je rejoins un pays qui prospère. Je reviendrai au bled pour sortir de la misère. Salam alaikum à terre. Si vous me lisez, j'embrasse ma mère. Je rejoins un pays qui prospère. Je reviendrai au bled pour sortir de la misère. Salam alaikum à terre. Si vous me lisez, j'embrasse ma mère. Je rejoins un pays qui prospère. Je reviendrai au bled pour sortir de la misère. Je suis toujours clandestin. Ça, c'est les visites de Kodola. C'est des concerts en métropole. Donc, si j'avais un séjour, je t'accompagne pour aller. Si tu veux. Je n'ai pas encore, je suis toujours clandestin. Ça, Maoré, il a dit que je suis toujours clandestin.